Bonsoir. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « S'aimer sans tomber en amour ». Est-ce que c'est possible? S'aimer sans tomber en amour? Pas sûr. C'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Aimer, c'est quoi aimer? Ça dépend de chaque individu. Il y a deux formes d'amour. Il y a plusieurs sortes. Mais il y a deux formes d'amour. Il y en a une qui s'apprend, qu'on enseigne, et puis il y en a une autre qu'on n'enseigne pas, puis qui ne s'apprend pas. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Celle qui était promulguée par le Nazaréen, qui disait « aimez-vous les uns les autres », c'était celle qui s'aime, celle qui s'apprend, ou c'est le mauvais, qui comprend? C'est mauvais. Donc, il ne fallait pas s'aimer les uns les autres, c'est ça qui a fait le sida. Mais ça a toujours été ce qu'on nous a appris. On était c'est ça. À l'école. Bon, on a appris ça. Là, l'individu qui se sent seul, eh bien, il instruit les autres que tout le monde devrait l'aimer. C'est comme le pauvre. Le pauvre, il dit que, premièrement, que l'argent, ça pourrit. Parce que le pauvre, il regarde bien que les riches qui sont pourris. Il regarde pas les riches qui sont corrects. Le pauvre, il dit aussi que avoir de l'argent, c'est ce qui se met à pécher. Dieu n'a pas d'argent. Jésus-Christ est pauvre. Et patati et patata. L'Église n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée, mais quand même. Et puis, c'est la même chose pour celui qui a besoin d'amour, celui qui a besoin d'énergie émotive. Ben, celui-là, il va nécessairement enseigner tout le monde que tout le monde devrait, par exemple, s'embrasser. Ma grand-mère, moi, elle adorait embrasser à l'âge qu'elle avait. Elle adorait têter les plus jeunes en énergie. Et donc, elle l'embrassait. Comme moi, il n'y a rien à faire, mais vraiment rien à faire. On ne l'embrasse pas. Même quand j'étais jeune, elle a déjà essayé avec Saint-Pierre se voir. Mais elle considérait qu'une des grandes marques de l'amour, une preuve d'amour, c'était de s'embrasser. Quand on s'aime, on s'embrasse. Moi, je trouvais que quand on se tait, on s'embrasse. Et il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, considèrent que si on s'aime, on s'embrasse. Il y a, par exemple, beaucoup de sectes, beaucoup de groupements. Quand tu rentres là, c'est l'embrassade à pu finir, qu'on se connaisse, qu'on se connaisse pas. Pourquoi? Parce que si on s'embrasse, c'est qu'il y a de l'amour. C'est comme de dire que tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre Gorbatchev, le faire embrasser le président des États-Unis, puis on a réglé tes problèmes sur la planète. Ils peuvent s'embrasser, puis ils se détruire après. On a les couples qui s'embrassent régulièrement, qui font même d'autres choses, puis qui finissent par se séparer. On a les meurtres passionnels, on en a en masse de toute façon. Alors, je pense que l'individu qui parle d'un amour, qui instruit quelqu'un de comment aimer, on instruit, on dicte et on oblige les enfants à aimer les parents d'une certaine façon. Et les enfants, une fois rendus adultes, ben, ils vont aussi s'aimer entre eux autres, donc entre adultes, comme ils l'auront appris. Et ils vont obliger leurs enfants à les aimer de la même façon. Parce qu'il y a des marques d'amour dans l'amour qui n'est pas convenable. Il y a des marques d'amour, des preuves d'amour. Dans le vrai amour, tu n'as pas besoin d'une preuve d'amour. Pas parce que l'autre t'en donne tout le temps. C'est quoi le vrai ou le faux? Le faux amour, c'est un amour qui n'est pas de l'amour du tout. Ça, c'est le vrai amour? Non, ça, c'est le faux amour. Le faux. Bon, celui qu'on entend ou qu'on... Celui qu'on pratique généralement, l'amour qui est de l'amour de ses enfants. Pratique, oui. L'amour de ses enfants, l'amour de son conjoint, l'amour de ses parents. C'est pas de l'amour, ça. On appelle ça amour. C'est qu'il y a une grosse nuance entre, par exemple, tu dis, je prends un médicament. Bon, le médicament, c'est pour l'asthme. Alors, je me mets la tête dans un bol avec une couverte par-dessus, puis là, je respire ça. L'autre à côté, il dit, moi aussi, je suis asthmatique, moi aussi, je prends un médicament. Lui, c'est de la marijuana. C'est un médicament pareil. Tu peux mettre le mot médicament à bien des choses. L'opium, c'est un médicament. Bon, la religion, c'est un médicament. Tu peux mettre le mot à bien des choses. Amour, c'est pareil. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver à un moment donné où l'humain, convaincu que sous-jacent à ce qu'il vit, il y a une substance, il y a quelque chose qui fait en sorte d'obliger ce qui habite les corps physiques à être capable de se respecter. Pour se respecter, il faut déjà que tu aies de l'amour. Les animaux ne se respecteront pas. Bon, ils vont respecter la force, ils aiment la force. En réalité, c'est la peur qu'ils respectent, ils aiment la peur. Mais on le respecte, les animaux ne se respectent, ne se respectent pas en tant qu'individus. Bon, le plus fort bat tout le monde, ben, tu n'as pas le choix de le respecter, c'était fait à l'os. Par contre, ce qui arrive, c'est que Là, lorsque l'être humain perçoit cela. Maintenant, l'être humain, dans son développement, dans ce qu'il va vivre, dans l'élaboration de ce qu'il va appeler l'amour, il va découvrir plusieurs facteurs de sa vie, des facteurs qu'il cherche et qu'il veut absolument, ses besoins profonds, et tous les individus qui vont le satisfaire à ces besoins-là, il va dire « je les aime ». Et tous les individus qui ne satisferont pas à ces besoins-là, il ne les aimera pas. Puis un individu qui est même contre un de ses besoins, alors là, il va transformer son amour en haine. Est-ce que l'amour et la haine, c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même énergie. Ce n'est peut-être pas la même chose dans l'expression, mais c'est la même énergie. C'est pourquoi tu haïs aussi puissamment quelque chose ou quelqu'un que tu as aimé avec la même valeur au niveau de la puissance. Quand on a un meurtre passionnel, bien, pour qu'un individu arrive jusqu'à tuer, fallait qu'il aime avant. On parle du meurtre passionnel, on parle pas du meurtre professionnel, où ce que là, c'est la même affaire que de mettre un cure-dent dans la bouche. Bon. Mais le meurtre passionnel, on a encore l'exemple des personnes qui vont tuer toute la famille, qui tuent les enfants, tuent le mari, tuent la femme, bon, se suicide, etc. C'est de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. C'est comme si tu dirais, toi, moi, je vais me suicider, puis comme ma femme peut pas vivre sans moi. C'est impossible, c'est inimaginable. Mes enfants pourront jamais vivre sans moi. Alors, vu que j'ai raison, ben, je vais les tuer. Je suis quand même bon pour eux. Je veux le bien pour eux autres. Fait que moi, je peux plus supporter la vie. Ne pouvant supporter la vie, c'est évident que sans moi, ils pourront jamais. Alors, je les assassine, puis après ça, je me suicide. C'est de l'amour. Mais c'est pas justement de l'amour qui fait que le père ou la mère, ou peu importe celui qui pratiquerait ça, qui voit que la vie est invivable, puis que la planète n'a pas d'allure, puis qu'on s'en va vers... Puis que lui arrive logiquement à se... Parce que celui qui fait ça, là, qui est pas sous l'effet de... Il aime pas sa femme, là, il aime pas ses enfants, il aime pas son mari. Ben oui, il les aime énormément. S'il les aimerait pas, il les tuerait pas. Ah, ben, il les aime pas ben tout. Pour lui, je me mets dans ses souliers, la personne... Non, c'est de l'orgueil. Lui, il le fait par amour. Non, même pas. Il le fait par orgueil, mais il appelle ça de l'amour. Ben lui, il appelle pas ça de l'orgueil, certain. Ah non, il appelle ça de l'amour. Mais il le fait pour les protéger de la vie qu'il considère absurde. Il le fait pour se protéger, lui, pour pouvoir se dire à lui que si je suis mort, puis que, imagine-toi, merde, qu'eux autres arrivent à vivre. Ah, j'étais con en tabarnouche. J'étais le plus faible du lot. Si je les assassine toutes, j'aurai jamais de doute, même dans ma mort. C'est uniquement de l'orgueil, c'est pas de l'amour. L'humain appelle ça de l'amour. C'est comme les médicaments. Tu peux prendre des pastilles puis dire c'est des bonbons. Quand t'es malade, tu prends des bonbons, tu dis c'est des pastilles. T'as juste ça comme tu veux. Si t'aimes les pastilles pour la gorge, t'aimes ça. Mais quand t'as pas de mal de gorge, t'en prends pareil. Ah ouais, mais c'est des bonbons, ça. C'est comme tu veux. La journée que tu as mal à la gorge, puis tu aimes prendre certains bonbons qui sont un peu forts, ah ben tu prends ça à cause de ton mal de gorge. Ah, c'est des médicaments. Puis on joue que les mots comme on veut. Mais le danger dans l'amour, c'est qu'il vient à un moment donné où on se dit, si tu m'aimes, tu devrais perdre ta vie à me faire plaisir. Et si tu m'aimes, c'est ça l'amour. L'amour, c'est que quand je te dis « rampe », tu rampes. Quand je te dis « fais la cuisine », tu fais la cuisine. Quand je te dis « sors pas », tu sors pas. Si tu m'aimes, tu vas me le prouver. Bon, on appelle ça « amour ». Bon, il faut croire que les Noirs qui étaient esclaves en Amérique du Sud, dans les États-Unis du Sud, à un moment donné, eh bien, ils baignaient dans l'amour. Les maîtres les aimaient. Les maîtres leur disaient tout ce qu'il fallait que les esclaves fassent pour prouver que les maîtres avaient de l'amour puis que les esclaves avaient de l'amour. C'est ça, l'amour. Si tu veux que tes enfants... C'est quoi la preuve que tes enfants t'aiment? Ben, c'est qu'ils t'écoutent. Hein? C'est évident. Et n'importe quel maître va te le dire. La preuve que le disciple aime, c'est qu'il l'écoute. Si tu veux que tes enfants t'aiment, il faut que tes enfants aient les notes scolaires que tu veux qu'ils aillent. Il faut que tes enfants aiment le linge que tu vas leur acheter. Si tu veux que tes enfants t'aiment, c'est une preuve que tes enfants t'aiment. Il faut que tes enfants ils se laissent couper les cheveux à ton goût. Sinon, il faut qu'ils te prouvent qu'ils t'aiment. Toi, comment tu leur prouves que tu les aimes? Ben, voyons donc, je suis votre père. C'est évident, je vous aime. Bon, fermez vos gueules. On continue maintenant. Là, tu sors plus avec un tel, tu joues plus avec un tel. Tu sais, c'est des preuves d'amour. Ça s'appelle ça de l'amour. C'est pas de l'amour, mais on met le mot amour là-dessus parce que ça nous va. Et ça crée de maudits problèmes. Mais pourquoi on met le mot amour? Ça nous va à qui? À l'ego? Ben, c'est évident. Mais l'ego qui fait ça, qui met le mot amour sur toutes les formes, parce que ça, ce que tu décris là comme amour, j'appelle ça de la possession. J'appelle pas ça de l'amour. Mais non, c'est de l'amour, c'est de l'amour. On peut mettre, comme tu disais, on peut jouer avec les mots. Mais c'est de la possession. C'est de l'amour. OK, de l'amour possessif. peut s'entendre dessus, on peut négocier. Donc, c'est de l'amour possessif. On met pourquoi l'ego prend le mot amour comme bouclier, comme paravent, pour se cacher en arrière de À cause du Christ. Une crise d'idées. C'est une idée de Christ. Parce que ça a été propagé. Parce qu'à un moment donné, le Nazaréen a dit aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé, etc. Mais est-ce que c'est comme ça que le Nazaréen aimait? Ah, absolument pas. Mais parce que le Nazaréen a dit ça, les personnes de l'époque ont décidé de vouloir appliquer le message du Nazaréen. Et par la suite, dans la religion, et un peu partout son message, même dans d'autres religions, le message du Nazaréen est resté, aimez-vous les uns les autres, tellement évident, qu'on l'a enseigné. En l'enseignant, c'est pas long qu'on récupère tout. C'est comme on dit, celui qui aime châtie bien. Châtie bien, est-ce que ça veut dire que tu châties beaucoup ou que tu châties juste? Alors, pendant longtemps, c'était plus tu frappais, ça. Qui aime bien, châtie bien. Voyons, donc tu jouais en tabarouette avec les mots. L'amour, c'était la même chose. Parce que le Nazaréen, à un moment donné, a laissé un message, entre autres, il a laissé plusieurs messages, dont celui-là, eh bien, on a communiqué à l'humain, on a dit qu'on doit s'aimer. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'on doit s'aimer, je mets quoi? Moi, je dois t'aimer comme moi-même. Tu sais, ça, c'est évident, ça. Moi, là, si je t'aimais autant que tu m'aimes, là, je te servirais. Fait que tu devrais me servir. C'est pas long que on se sert, vu qu'on se sent manipulé. Si toi, fondamentalement, tu te sens manipulé par l'obligation d'aimer. Si fondamentalement, suite à l'éducation religieuse, suite aussi à ce petit amour, à ce petit quelque chose que tu perçois, tu finis par te sentir moralement obligé d'aimer, d'être un être aimable et d'être un être aimant. Ce qui va arriver, c'est que si moi, je te regarde et je te dis « pas vrai, tu m'aimes pas », mais là, vu que toi, tu es médiocre, que ton ego est médiocre, que c'est la médiocratie qui te domine, automatiquement, si moi, je te reconnais pas comme étant un être aimable, ben, tu n'es plus sûr que tu aimes. Puis comme fondamentalement, tu aimerais aimer, eh bien là, tu vas dire « ben voyons donc, je t'aime », là, moi, je vais te dire « ben prouve-le ». Mais là, pour arriver à reconnaître que t'aimes, tu vas maintenant vouloir me le prouver. Quand moi, je vais te dire, c'est vrai, pitou, que tu m'aimes, là, t'es heureux. Ma femme n'aimera pas ça quand je vais me dire non, ça. Très bien. Là, tu vas dire, j'aime. Mais le voisin rentre, le voisin trouve que t'aimes pas, tu es prêt, pas à ta tondeuse. Ah ben là, il faut que t'aimes, il faut que tu sois aimant, il faut pas que tu sois sauvage. Bon, ben là, tu prêtes la tondeuse, là, t'es un imbécile. Mais t'aimes. Bon, les enfants, ils aiment les parents, ils aiment les enfants, le mari aime sa femme, la femme aime le mari, sauf que la majorité des hommes ici dans la salle aiment les femmes tous autant, les unes que les autres. Puis possiblement qu'ils aiment tous les hommes autant les uns que les autres par rapport aux femmes égales. Mais ce petit amour qui est là, qui pourrait croître, il est totalement démoli par... Pourquoi? Parce que la femme et le mari sont toujours là. Prouve-moi-le! Si moi, je te demande jamais de me le prouver, puis que ta femme te demande toujours de te le prouver, que tu lui prouves plutôt, progressivement, tu auras l'impression que tu l'aimes plus que tu m'aimes. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à t'énergiser, à te répéter que tu l'aimes avec les critiques de preuves que tu lui amènes. Vu que je te demande jamais de preuves, tu n'as pas l'impression que tu m'aimes autant que ta femme. Mais tu m'aimes autant que ta femme, mais tu n'as pas l'impression. Comme progressivement, tu finis par être programmé à devoir lui prouver. Mais c'est tout évident que tu as peut-être donné ta vie pour elle. Tu as peut-être me sauté dessus, cassé l'amitié que tu as avec moi à un moment donné pour elle. Peut-être. Uniquement parce que, entre deux êtres, si tu as approuvé à trancher, ben, par programmation, par habitude, tu as tranché du côté où tu es habitué à approuver. C'est ce qui va arriver. Mais pourquoi l'ego a besoin de ça? Parce que les deux égaux, dans ce cas-là, c'est les deux conjoints qui se demandent. Mais moi, j'ai pas besoin de preuve d'amour. Mettons que je suis ta femme, moi, là. Mettons. OK? Ouais, c'est sûr, parce que tu serais bien trop content. Bon, en tout cas. Pas parce que j'étais un homme, mais c'est parce que tu aurais de la qualité. C'est ça. Non? Bon. Venez là dehors. Je sais pas, ouais, c'est ça, venez là dehors. Ouais. Quand tu écouteras la cassette, tu verras ce que ça donne. Bon. Mettons, je suis ta femme. Mettons. Si. Moi, j'ai pas besoin que tu me prouves que tu m'aimes. Pas besoin de faire tout. Sauf que j'ai besoin, par contre, que tu me serves. Alors, la façon que j'ai appris, moi, à manipuler autrui dans l'amour, donc j'ai appris très jeune, par mes parents, à me servir du mot amour pour faire ce que je voulais avec l'autre, pour le posséder. Alors, moi, j'ai pas besoin que tu me prouves que tu m'aimes parce que c'est pas important que tu m'aimes, l'important, c'est que je t'aime. Sinon, je serais pas avec toi. Donc, j'ai pas besoin que tu me prouves que tu m'aimes. Bon. Sauf que maintenant que moi, je t'aime, nécessairement, je vais vouloir te prouver que je t'aime. Parce que j'ai appris que si jamais, je le prouvais. Alors, à un moment donné, moi, je suis ta femme, je t'achète un cadeau. Voilà, je donne un beau cadeau. Là, je me suis dit, je lui prouvais que je l'aimais. Mais là, je suis convaincu, moi, que si tu me prouves pas que tu m'aimes, je peux pas te posséder longtemps. Parce que peut-être que tu prouves à quelqu'un d'autre que tu l'aimes. En plus, moi, je me dis, crime, je fais des efforts pour lui faire plaisir. Parce que je l'aime. S'il m'aime, il devrait faire des efforts pour me faire plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour, cela. Là, on tombe dans la manipulation. Mais vu qu'on met le même mot, c'est pas, on sait plus où est-ce qu'on en est rendu. Et là, à un moment donné, parce que je t'aime, ben, je te donne de la marde, je te gueule après, je te fais une scène, je t'aime. Tu devrais me prouver que tu m'aimes, tu devrais faire ceci, faire cela, mettre plus souvent la cravate que je t'ai donnée à ta fête, tu devrais... Mais là, on n'est plus dans l'amour du tout, mais on appelle ça amour. C'est comme par exemple, le bonhomme va dire, puis la femme souvent se fait attraper avec le jeu, la relation sexuelle, on dit faire l'amour. Voyons donc, faire l'amour. Tu vas voir rencontrer une prostituée, puis tu fais l'amour. C'est-à-dire, ça, on en fabrique de l'amour. Tu peux même faire ça avec une poupée gonflable. Puis ça existe, mais en tout cas, il y a un temps. Faire l'amour. Mais là, le mâle va dire la même chose. Ma femme m'aime pas parce qu'elle me prête pas son corps physique aussi souvent que ça me tente. Mais la femme, elle, qui aime pas ça autant que le bonhomme, elle aime avoir de l'affection, elle aime avoir, bon, peut-être un toucher physique, etc. Mais la femme, elle va se dire, mon crime, fin de semaine, là, qu'il m'a pas sauté dessus. Pour moi, il sort qu'un autre. Il m'aime plus. Il n'a vraiment rien à voir avec l'amour. Je connais des bonhommes, moi, qui couchent avec, qui vont voir des prostituées, puis qui ont même des maîtresses, pour leur permettre d'avoir une vie familiale plus harmonieuse, parce qu'ils respectent, donc ils aiment réellement, ils respectent tellement leur femme que, sachant que leur femme n'aime pas ça autant que lui, bien, au lieu de la harceler régulièrement, bien, il est biologique, bâti mal, bien, ils s'en vont faire ça ailleurs. Sa femme, elle ne sait pas, puis à la maison, lui puis les enfants, c'est elle puis les enfants puis lui, c'est parfait. Mais quand la femme découvre ça, le divorce. Pourquoi? Parce qu'elle considère que le bonhomme aurait dû plutôt l'insister, la manipuler, la massacrer, mais pas s'en aller avec un autre, pour faire ça, parce qu'on parle encore d'amour. Ça n'a rien à voir. Le bonhomme, il couche avec une prostituée, il l'aime pas pantoute. Il aime le temps de 30 secondes. Bon, ce qu'il aime, c'est la vie. Mais après ça, il paye. Il n'aime pas grand-chose. Elle non plus. Mais là, on va dire, il y a trompe. Il y a trompe pas pantoute. Non, mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit. C'est pas à cause que tu as une trompe que... S'il y a trompe, c'est donc qu'il n'est pas fidèle. S'il n'est pas fidèle, il ne l'aime pas. Pas fidèle à quoi? Pas fidèle à sa femme. Il a promis, quand il est allé, quand ils ont mis une bague, là, il a dit qu'il ne sortirait pas avec personne d'autre. Ouais, il faut dans le sacrement du mariage, il me semble que c'est ça qu'on faudrait que je réécoute. Non, ça se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, c'est ça. Est-ce que c'est le pire ou le meilleur? Non, c'est le meilleur, ça. Ça dépend du point de vue. C'est ça. Non, tromper sa femme, qu'est-ce que tromper son mari, qu'est-ce que c'est? C'est totalement imbécile, totalement idiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis ton ami puis qu'on s'entend si bien, je fais ce que je veux. À l'instant où de l'amitié, je tombe en amour, je n'ai plus le droit d'être ton ami. En tant qu'ami, on se respecte. En tant qu'amoureux, on ne se respecte plus. En tant qu'ami, on ne se manipule pas. En tant qu'amoureux, on se manipule continuellement. En tant qu'ami, je suis libre. En tant qu'amoureux, je suis pogné. Un célibataire, c'est quelqu'un qui est penchant pour un autre et qui n'en perd pas l'équilibre. Et c'est insolide à faire. Mais quelqu'un qui tombe en amour, il est tombé, il est couché. Puis l'autre pile dessus. Tromper sa femme, ça veut dire quoi? C'est tellement, tellement niaiseux. On est convaincu que la relation sexuelle est le summum du phénomène de l'amour. Alors que tous les adultes, presque tous les adultes du moins, ont eu des relations sexuelles bien avant de tomber en amour, ont eu des relations sexuelles bien avec d'autres personnes qu'avec ceux avec qui ils sont, la majorité. Il y en a qui vont dire, non, moi non, c'est marié à 16 ans. Ben oui, c'est sûr, là. Tu n'es pas marié à 16 ans à l'époque, le curé ne voulait pas, mais tu es resté avec le même. La majorité en ont eu, la majorité en ont eu d'autres après. On a le divorce, on a les séparations, puis ça en passe des zigouzi-gouzi pendant ce temps-là. Tu trompes quoi? C'est l'adultère, c'est le mot que je cherche depuis tantôt. L'adultère, là, c'est marqué ça, dans la... Fallait pas faire ça. L'adultère, c'est ça. C'est partir avec la l'adultère, femme. L'adultère, là, c'est... Faut faire bien attention. L'adultère, c'est un adultère, c'est même pas... C'est une forme de culpabilisation, c'est encore une fois une déformation au niveau des mots, mais c'est vraiment, vraiment... C'est comme de dire, bon, le Nazaréen indien qui a fait de regarder une autre femme puis de la trouver belle, c'était adultère. Mais tant qu'elle y est, tu t'en couches avec, maintenant, tant qu'elle est péchée, hein? Tu étais faite à l'os, pareil. La bonne femme, elle regarde à la télévision, elle dit qu'ils m'ont dit kiki ou t'es adultère. Mais tant qu'elle y est, qu'elle finisse donc. L'humain est bâti pour être manipulé. Qu'est-ce qui est adultère? Toi ou ton ego ou tes mémoires. Mais si c'est mes mémoires qui ont une idée bizarre quand je vois une femme particulière, ben que c'est celle-là, qu'il y a un enfer, je m'en fous, me l'engarante, c'est pas moi. Puis si à un moment donné, il domine mon corps suffisamment que je suis obligé de coucher avec cette personne-là, quand je vais me réveiller après, moi, j'aurais jamais couché avec. Mon corps, oui, une partie de mon ego, oui, mais il y a une grande nuance avec moi. C'est exactement comme si, par exemple, tu te mets en colère, puis après ça, tu dis mes mots ont dépassé ma pensée. Toi, tu t'es jamais mis en colère. Il y a quelque chose chez toi qui te contrôlait. De toute façon, on va en reparler quand on va parler du faux amour puis du pourquoi que l'humain est pogné comme ça. Mais une chose certaine, tromper sa femme, c'est un archétype, c'est vieillot, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas ni tromper ta femme, ni tromper ton mari. Tu peux sortir avec une autre femme, OK, avec un autre homme, OK, tromper. Voyons donc. Sauf si, évidemment, on considère que l'amour... C'est le faux amour. Que l'amour reste le petit empaquetage, la petite boîte d'acier, dorée à l'intérieur, tout rouillée à l'extérieur, dans lequel, maintenant que l'on s'aime, t'as plus le droit d'aller voir un film que je veux pas voir, t'as pas le droit de regarder un film de sexe, il faut que tu changes de poste quand je sens l'escalier, t'as pas le droit de faire ceci, de faire cela. Il y a tellement d'inhibition totale dans cet amour-là, à ce qu'à un moment donné, moi je connais un gars qui reste à Chicoutimi, lui... Il vient écouter mes conférences, puis sa femme, elle venait écouter mes conférences aussi. À un moment donné, sa femme est devenue jalouse. Pourquoi? Parce que le gars, il jasait souvent avec moi, puis elle avait l'impression que le gars se plaisait plus de parler avec moi que de parler avec elle. Alors là, l'amour, elle était jalouse. Là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé, elle, à chioler, à lui dire qu'il était d'un secte, à l'entourer. À un moment donné, en cachette, elle écoutait les conférences que je faisais sur cassette. Elle écoutait les cassettes pour mieux m'haïr. Bon. Mais pire, il y a un autre conférencier, à un moment donné, qui est dans la région de Québec, qui, lui, a déjà parlé un peu contre moi. Bon. À un moment donné, elle a décidé, elle, de commencer à le suivre, lui, pour concurrencer sur le même terrain son mari. Elle part de Chicoutimi, elle descend à Québec. Lui, il achète les cassettes par la poste, il vient de temps en temps à Montréal. Mais l'autre, il n'y a même pas de cassette. Elle descend à Québec. Et puis là, maintenant, lui, il dit similairement la même chose que moi dans bien des cas, sauf que ça lui plaît des fois de parler contre du monde. Bon. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Sa femme va l'écouter. C'est similaire à ce qu'on dit tous les deux. Donc, que tu n'écoutes un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Mais maintenant, quand elle revient, ben là, elle essaie de me démolir devant son mari. Fait qu'ils sont toujours en train de s'engueuler. Par contre, ils vont voir, ils lisent, c'est mieux, le même livre tous les deux, qui porte deux titres différents. Puis après ça, ben là, ils peuvent s'engueuler à la maison convenablement. C'est l'amour. Mais ça, c'est la jalousie qui est amenée par l'amour. C'est de l'amour. La jalousie, c'est quoi? Son mari la trompe avec moi. Puis elle, ben, a décidé de tromper son mari avec l'autre. C'est quoi la jalousie? Ben, c'est quand quelqu'un te trompe. Mais s'il y aurait du vrai amour là, dans leur affaire... Elle n'aurait jamais commencé à perdre toute une grande partie de sa vie à compétitionner sur n'importe quel terrain. Peut-être qu'elle pourrait bénéficier pas mal plus de ce qu'elle va chercher à Québec, tandis qu'elle va chercher juste des éléments pour essayer de voir où c'est qu'elle peut contredire ce que je dis. Est-ce que l'amitié et l'amour sont limités? C'est-à-dire, est-ce que la démarcation entre l'amitié et l'amour est proche ou est grande? L'amitié, c'est beaucoup plus près du vrai amour. Deux amis ne vivent jamais les problèmes que vivent deux amoureux. Jamais. Si tes enfants sont tes amis, c'est comme t'as pas d'enfants, par exemple, puis c'est les enfants du voisin. Tu seras capable de les chicaner s'il le faut, tu seras capable de les éduquer, tu seras capable de les aider, mais tu auras une relation tellement plus plaisante avec eux. Si c'est tes enfants, c'est différent. Sauf si tes enfants sont tes amis, pas si sont tes enfants. Ta femme, ton mari, c'est la même chose. Quand tu as des amis, tu t'entends avec tes amis. On prend l'exemple. Moi, on est amis ensemble, et puis tu me donnes rendez-vous à un restaurant. Moi, j'arrive 2 heures en retard. Quand je vais arriver, je vais t'es là, tu dis, crème, t'es en retard. Je vais dire, ben oui, j'ai pas le choix. Oh, c'est pas grave, c'est toi, on commence. Mais ta femme arrive 2 heures en retard, par exemple. Elle-même, si elle a eu une crevaison, tu vas la détester pareil. Elle n'a pas de raison d'avoir une crevaison. En tout cas, pas aujourd'hui. Pas ça, ça n'a pas eu, elle mieux d'en faire une. Ouais, en tout cas, ouais, c'est ça. La route de secours est mieux d'être crevée en dedans. Mais c'est pas ça qu'il y a. C'est que moi, tu me demanderas même pas de raison. Sauf que à ta femme, ça va être bien différent. C'est la même chose. Tes enfants, il y aura ceci, il y aura cela. Moi, on est amis. Je suis des cours, par exemple, et puis toi, tu me dis, c'est vraiment intéressant. Disons que toi, t'es policier. Puis là, moi, je m'en vais à Nicolas, je suis des cours. T'aimerais ça que je devienne policier, on pourrait travailler ensemble. Donc, t'as des raisons. Et puis, à un moment donné, j'ai de la difficulté à mes cours. Tu vas m'aider. Mais quand ton fils ou ta fille a des difficultés à ses cours, bien souvent, c'est plutôt on gueule, puis on chicane, puis on rouspète, puis moi, j'étais meilleur que ça, puis si tu penses, en tout cas, on en met des conneries. Parce qu'on les aime, apparemment. On les aime pas. On les déteste. On les déteste d'une façon harmonieuse. Mais pourquoi on est fait de même? C'est complètement ridicule. On n'est pas fait comme ça, mais on est ridicule. On exclut la personne qui parle, d'habitude. Pourquoi l'humain, en général, aime ses enfants, puis agit comme ça. Puis, moi, je suis pas d'accord de dire qu'on les aime pas, parce que moi, je considère qu'on les aime. Si j'aime mon fils, je l'engueule, mais c'est parce que je l'aime que je l'engueule. Non, si t'aimes ton fils, tu l'aimes. Si tu l'engueules, c'est parce que tu l'engueules. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il y a une bonne nuance entre un et l'autre. Il y a des femmes qui ont besoin de se faire battre par leur mari pour avoir la preuve que le mari les aime. Bon, je donne un exemple. Dans la question d'amour, prenons l'exemple de... d'une personne. Moi, je peux pas être deux fois plus grosse que moi. Non, ben c'est ça. Prenons l'exemple de... D'ailleurs, j'ai une de mes amies, c'est comme ça, lui, avec. Et moi, je donne des cours de judo à un moment donné. Deux personnes. Alors, on en a une des deux qui a besoin... Elle court après l'autre. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lui acheter des cadeaux. Elle va... On appelle ça faire la cour. Comme les animaux. Bon. Alors, elle se promène, etc. Et puis, à un moment donné, quand elle a réussi à avoir l'autre, eh bien, tout cesse. Elle devient froide. Fini. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ça y est, je l'ai. Maintenant que je l'ai, il n'est pas mieux. Elle se dit pas ça consciemment, mais c'est exactement ce qui va arriver. Maintenant que tout est réglé au complet, c'est comme le mariage. Tout va bien. Chez toi, tu dis oui, oui. Après ça, ça va s'atténuer lentement. Dans la majorité des cas, ça s'atténue progressivement par la suite. Pourquoi? Parce que maintenant, on devra se prouver qu'on s'aime, mais on ne se fait plus la cour. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est réglé. Maintenant, je t'ai acheté, t'es à moi. Bon. Est-ce qu'il faudrait continuer à se faire la cour? On devrait jamais. Ou ne jamais l'avoir faite? On devrait jamais se faire la cour. Qu'est-ce que c'est se faire la cour? Si tu m'aimes pas, peut-être tu vas aimer ma cravate. Si tu m'aimes pas, peut-être tu vas aimer mon massage. Si tu m'aimes pas, peut-être tu vas aimer ma relation sexuelle. Si tu m'aimes pas, peut-être tu vas aimer ma maison. Peut-être tu vas aimer mes idées. Peut-être tu vas aimer. Bon, moi je déteste jouer au tennis. Toi, tu joues au tennis. M'aller jouer au tennis un peu. Bon, puis quand on va être marié, tu vois que le tennis va prendre d'abord en tabarnouche. Bon. Et progressivement, tu perds la moitié de ta vie, je perdrai la moitié de la mienne uniquement pour qu'on puisse apparemment vivre heureux. Mais pourquoi la recherche de possession, d'arriver à ce... Bon. À ce mariage? Effectivement, les parents aiment leurs enfants. Effectivement, les adultes s'aiment entre eux. Je prends un exemple. Vous entendez parler d'un accident mortel sur une route quelconque de la province de Québec, aux nouvelles. Ça touche la majorité des êtres humains qui regardent ça. Pourquoi? Parce que ces humains-là aiment l'individu qui est mort. Vous entendez parler d'un enfant battu ou n'importe quoi. Ça touche. Ça touche l'humain. Pourquoi? Parce que l'humain aime. Il aime également. Mais si c'est ta femme ou ton mari maintenant qui est mort sur la route, tu as l'impression que ça te touche plus. Ça te touche plus, mais pas parce que tu l'aimes plus. Pourquoi? Bon. Alors, on va juste faire un petit peu de chirurgie dans l'ego. Comprendre le principe. Pour aimer, ça aime. Il n'y a pas de problème, l'humain aime. L'humain ne sait pas du tout ce que c'est que l'amour, ce qui fait qu'il le recherche là où ça ne se trouve pas. L'exemple que je donne souvent, c'est celui qui aime les fleurs, qui va dans son jardin, qui arrache les fleurs qu'ils aiment, qui les met dans un bocal, il met ça sur sa table, puis il aime les fleurs. Mais c'est ça qu'on fait avec tout ce qu'on aime. Quand on n'aime pas convenablement. C'est ce qu'on fait. On détruit ce que l'on aime. Tu aimes tes enfants, bien souvent, ça va aller jusqu'à une guerre entre tes enfants et toi, puis à l'adolescence, peut-être encore pire. Mais à un moment donné, il y a toujours des grosses disputes, il y a des stress total au niveau des familles. Le mari puis la femme, c'est souvent la même chose. On ne sait tellement pas ce que c'est qu'aimer. On mélange tellement les choses qu'à un moment donné, on détruit tout. Moi, je connais beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui me disent, bon, moi, je me conscientise, je comprends des choses. J'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Mais il faudrait quasiment que je me sépare si je veux continuer à m'aimer moi aussi. Parce que c'est toujours des guerres, parce que l'autre comprend rien, veut rien comprendre. Il y a une idée de l'amour qui est totalement pas ce que moi je vois. Faudrait que je lui prouve régulièrement, mais j'ai pas la tête à m'asseoir tous les jours et me dire, bon matin, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle comprenne ou pour qu'il comprenne encore l'âme. Tous les matins, j'ai besoin de faire d'autres choses que ça. Plus je suis heureux, mieux ça va aller dans la maison. Mais plus je suis heureux, plus l'autre personne est convaincue que je le trompe ou que je la trompe. Puis alors qu'en réalité, je suis heureux avec moi, je suis heureux dans la pièce, je suis heureux dans la famille, puis je rentre de travailler, puis j'ai un grand sourire. Normalement, quelqu'un qui rentre de travailler pour un grand sourire, fait qu'automatiquement, on se pose des questions. Puis là, tout le bonheur que je commence à avoir, il est tout atténué, puis terni par l'autre imbécile, homme ou femme, qui comprend rien au phénomène de l'amour. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ego, qui n'est pas l'homme, qui est le cœur de l'âme, et l'âme, ce n'est pas l'homme non plus, l'âme, c'est ce qui mémorise l'expérience de l'homme, de la femme et de l'enfant dans le corps physique. L'âme, c'est ce qui mémorise l'expérience de l'intelligence, appelez ça de l'esprit si vous voulez, dans le corps. C'est pourquoi que bien souvent, on sait ce que l'on veut faire, puis on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. L'âme, c'est beaucoup plus proche du corps, parce que c'est une mémoire qui est d'ailleurs corporifiée. Je passe des détails au niveau du phénomène énergétique, mais ça appartient au corps. De ce fait, toutes les mémoires manipulent beaucoup plus facilement le corps. Si intelligemment, mentalement, tu dis « je vais accélérer mon corps », tu ne peux pas. Ferme tes yeux, puis imagine quelque chose qui te fait peur, ton cœur va accélérer. L'émotion, la mémoire, facile, ça contrôle le corps physique. Là, ce qui va arriver, c'est que l'âme, c'est quelque chose qui cumule de la mémoire. Chaque fois qu'on vit une expérience, l'expérience est amenée par les... On va être capable de nous-mêmes de voir, par l'intermédiaire de l'autre, ce que son ego est. Quand une personne essaie de se convaincre, par exemple, de cesser de fumer, on dit « je vais travailler avec mon subconscient », elle devra se répéter, répéter, répéter, puis à un moment donné, vu qu'elle aura répété suffisamment, ça va être inclus dans l'ego va cesser de vouloir fumer. Le subconscient, c'est ça. Le conscient, c'est les mémoires volatiles, c'est le reste. Là, il arrive quoi? Il arrive que pour créer un ego, il y a plusieurs blocs de glace. On a plusieurs ici. Ça, ce sont tous des petits morceaux. Lorsque la glace est suffisamment froide, ça se colle ensemble, ça crée un ego. L'ego est constitué de plusieurs morceaux. Mais la glace se fabrique à même de l'eau. La glace, c'est de l'eau gelée, de l'eau densifiée. Les mémoires qui rentrent dans l'âme lorsqu'elles se densifient. Qu'est-ce qui peut créer une densification des mémoires? Bon. C'est très simple. Plus une masse est grande, plus elle s'effondre sur elle-même. C'est ce qui crée des soleils noirs, des trous noirs, c'est ce qui crée des soleils de fer, des étoiles de neutrons, etc. Plus il y a répétition d'une même expérience. Mais dans notre ego, il y a ceci. L'être humain vit quelque chose, l'événement arrive, pénètre. En pénétrant, il brasse. Il brasse les mémoires, ça pénètre à l'intérieur. Pas peur avec son eau. C'est ça. Ça pénètre à l'intérieur. Pénétrant à l'intérieur, le remous qui se passe à l'intérieur de nous, l'expérience à l'intérieur de l'âme, c'est l'émotion. Et en même temps, il y a une mémoire de l'émotion qui va se créer, puis une mémoire de l'événement qui crée l'émotion. Ça se colle ensemble. Plus on va répéter la même visualisation, plus on va répéter la même expérience, plus les mémoires vont être répétitives à l'intérieur de l'âme, plus cela va finir par créer un bloc de glace qui est un agglomérat. Ça ici, c'est la mémoire... C'est pas celle-là, je me suis trompé. Celle-ci, c'est la mémoire répétitive de la fleur, de la vision des fleurs qu'on appelle une rose. Plus elle va grossir, plus elle prendra de place dans l'ego. Il vient un moment donné où la rose se fane. Si la rose se fane, cette partie-là ici, qui ressemble à des fesses d'ailleurs, cette partie-là ici ne pourra plus se nourrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lentement, elle va fondre dans l'eau, dans le reste des mémoires. Vu que la partie qui est maintenant grosse constitue ce que tu appelles l'inconscient, ton subconscient, ton ego, il y a une partie de ton ego qui maintenant voit qu'il ne pourra plus se nourrir, qui va donc fondre. Elle se sent dépérir, c'est ça? Elle meurt. Est-ce qu'elle le sent ou est-ce qu'on lui elle dit? Elle le sent. Elle va s'ennuyer, elle va se sentir déprimée, elle va avoir un besoin, une quête, un désir d'avoir la chose. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour nourrir la partie? Tu vas aller dehors, tu vas couper une autre rose que tu dis aimer, tu la tues, tu vas la mettre dans le bocal et automatiquement, observant la rose, tu vas être capable de te nourrir de ce qui se passe chez toi. Ce que la rose fait chez toi. Vu que la rose commence à pénétrer, le bloc de glace cesse de fondre et va même continuer à grandir. Donc, la première fois que tu rencontres un être humain, homme ou femme, dans ton cas, tu es un homme, disons une femme, tu rencontres une femme et puis Tu vis avec elle une semaine de temps, tu l'expérimentes une semaine de temps, tu crées des mémoires à l'intérieur de ton âme. Au bout d'une semaine, la personne, elle disparaît à jamais. C'est pas grave. Mais tu rencontres une autre personne, tu vis avec elle 6 mois. Plus c'est intense, plus ça pénètre à l'intérieur. Après 6 mois, tu as un bloc de glace. Sauf qu'au bout de 6 mois, la personne décide qu'elle s'en va puis qu'elle veut plus jamais te voir. Le bloc de glace qui est maintenant constitué est un gros morceau dans ton ego. Ça va faire un gros trou dans ton ego. Lui, il va commencer à fondre. Vu qu'il n'est plus nourri, il va fondre, il va devenir de la mémoire volatile. Vu qu'il commence à fondre, tu commences à souffrir. Puis plus le bloc de glace sera gros, plus tu auras de la difficulté à supporter le décès ou encore la séparation, le fait que l'autre s'en aille. Mais il y a pire que ça. Dans le divorce ou la séparation, c'est pas l'amour qui fait que les humains restent ensemble. C'est l'expérience de l'homme ou de la femme, en bloc de glace, mais c'est l'expérience aussi des disputes et des communications qui créent des blocs de glace. C'est l'expérience de la présence d'un autre corps physique dans la maison. La maison va être comme vide. Il y a tellement d'expériences maintenant amenées à travers 2, 3, 4, 20, 40 ans de vie avec une autre. C'est tous ces morceaux-là qui se sentent disparaître d'un coup. Ben oui. Alors, lorsqu'une personne meurt, tu vas dire, je viens de perdre ma moitié. Est-ce qu'ils sont amalgamés dans un bloc? Un bloc. Quand une personne meurt ou une personne s'en va, il y a une grande partie de l'humain qui devra mourir, c'est-à-dire oublier émotivement. Elle devra maintenant s'adapter à quelqu'un d'autre, à s'adapter à quelque chose d'autre. C'est pourquoi ce qui va arriver, c'est que si tu as des enfants, quand ils viennent au monde, t'es aimes. C'est-à-dire que si un bulldozer passerait dessus, t'aimerais pas ça. Mais t'es pas en amour avec les enfants. La mère, elle, lorsqu'elle voit le bébé, inconsciemment, elle est réincarnée dans l'enfant. Ce qu'elle aime, elle, c'est la jeunesse. Alors, elle pourrait même donner sa vie pour l'enfant. Mais là, c'est un amour qui est plus proche encore du véridique. T'as l'amour simple, aimé, sans condition. La mère n'aimera pas l'enfant si l'enfant a des bonnes notes, si l'enfant a les cheveux comme elle veut, si l'enfant s'habille, si l'enfant est sage, si... Non, c'est un amour inconditionnel. Ça, c'est le vrai amour, c'est un respect neutre. Mais ça, tu parles de la mère vis-à-vis l'enfant naissant. Oui, le père pourra vivre la même chose, sauf que c'est pas long. La mère, elle aura aussi une incidence au niveau réincarnationnel. Elle aura plus tendance à vouloir aimer l'enfant parce que c'est son sang qui coule dans ses veines, totalement. Mais à la longue, en vieillissant, est-ce qu'elle perd ça? À la longue, elle perd ça au fur et à mesure que l'enfant fabrique son propre sang, que l'enfant réincarne d'autres mémoires, donc elle est réincarnée dedans, mais de plus en plus diluée. Par contre, expérimentant le contact de l'enfant, après un an, cet enfant-là est un bloc de glace chez elle. Quand toi, tu vas arriver, elle te connaît pas, la mère, l'enfant fait une connerie, tu punis l'enfant, la mère a l'impression que tu punis la mère. Là, elle va t'être insultée, noire, mais t'as puni l'enfant, t'as puni la mère. Pourquoi? Parce que tu punis le bloc de glace qui est chez elle. C'est-à-dire que tout l'enfant au complet est le bloc de glace. Quand tu punis l'enfant, tu punis ce bloc-là. Donc, une partie de l'ego qui réagit automatiquement. Même chose pour le père, souvent. Bon. Là, la mère, après 12 ans de vie avec l'enfant, même s'il y a plein de problèmes, elle va dire « je l'aime ». Mais c'est un amour qui est très conditionnel. Pourquoi c'est conditionnel? C'est simple. Mon bloc de glace que j'ai ici, tu vois, ça se grossit parce qu'il y a des CDC, on expérimente. Bon. Le reçu percé ici. Bon, le bloc de glace qui est ici, qui est maintenant sorti de l'ego, n'est-ce pas? Ça vit pas longtemps sorti de l'ego, tu sais, il faut qu'on la remette dans l'âme à un moment donné, mais quand même. Bon, le bloc de glace qui est ici, lui, c'est celui de l'enfant, ou de la mère, ou de la femme, ou du mari. Même du paysage, même d'une maison. Personne âgée, ça déménage pas facilement. Ça doit se réadapter, ça doit... Mais oui, parce que des blocs, là, ça fait 20 ans peut-être que la personne âgée se nourrit de sa pièce, déménage de la place, elle se nourrit plus de rien, une partie de mourir. Puis comme bien souvent, les personnes âgées ne voyagent plus, ne se promènent pas souvent, leur ego est rendu petit. Quand ils sortent d'une place, t'es mettre dans une autre, là, c'est quasiment les 95% de ce qui sont eux autres qui meurent. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué. Si tu amènes le meuble, le rideau, le draperie, le tapis, bon, des cossins comme ça, c'est moins pire. Sinon, il faudrait qu'ils sortent, qu'ils se promènent, parce qu'une personne se dit âgée à un moment donné, mais après, elle peut continuer à prendre des choses. Est-ce qu'on remplace le bloc de glace, par exemple, par, disons, quelqu'un qui perd un être cher, qui commencerait à jouer au tennis comme un fou, commencerait à lire, commencerait à boire, commencerait à se droguer? Est-ce que le trou qui est créé par la fonte de ce bloc-là est remplacé automatiquement par un autre ou non. Est-ce qu'il peut ne pas être remplacé? Il peut ne pas être remplacé. Il y en a qui vont même mourir très rapidement parce qu'il ne reste plus assez de parties dans leur ego. Les personnes âgées, souvent, lorsqu'il y en a un des deux qui meurt, l'autre meurt pas longtemps après. Souvent, pas tout le temps, quand même, mais souvent. Donc, ça peut être remplacé, ça peut ne pas l'être. Normalement, c'est long. Pourquoi? Parce que le bloc de glace est là. Il n'y a pas de trou encore. Alors, au fur et à mesure qu'il va fondre, tu peux commencer à rajouter quelque chose. Puis donc, après peut-être 5 ans, la personne aura trouvé un autre ami, un autre chum, peut-être qu'elle sera remariée, et puis elle pourra continuer à jouer au tennis. Mais c'est pas du jour au lendemain, pas dans la constitution actuelle de l'ego humain. Quelqu'un meurt, il est mort. Tu l'aimes même s'il est mort. Tu continues à aimer les vivants quand même, mais tu souffres à cause qu'il y a un bloc de glace là qui... Oui, mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? Il était si bon, il était si bon pour nous autres. Ça mettait de la gaieté dans la maison. Ça, oui, c'est ça. Voilà. Ici, un trou, il me remplissait. Maintenant qu'il n'est plus là pour me remplir, je fais quoi? Là, ce qui va arriver, pourquoi ça, c'est ça qui va se passer? C'est que l'être humain, donc, va se nourrir de l'extérieur et il a toujours son amour en dessous, mais il a l'impression très rapidement que, parce qu'à un moment, c'est pas le Nazaréen qui a dit ça. Le Nazaréen a dit: aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Son amour n'a jamais été conditionnel. Même le Romain, même ceux qui ne se convertissaient pas, il les aimait pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix. S'il aimait, il aimait. Une petite chose sur la planète qu'il n'aime pas, il n'aime pas pantoute, il ne sait vraiment pas ce que c'est que l'amour. Dans son cas, il savait c'était quoi l'amour, c'était correct. Sauf que l'humain a commencé immédiatement à changer. Si moi, j'aime ça quand tu me donnes ceci, je vais donc t'en donner. Mais c'est pas long que, vu que je te l'ai donné, on revient encore avec la preuve, le ceci, le cela, je suis au moins qui fais des efforts, je suis au moins qui fait plutôt, au moins qui fait ça, et c'est pas long qu'on veut, pas, on veut programmer l'autre pour que l'autre remplisse. Lorsque moi, j'ai été nourri de ma femme qui est structurée de telle ou telle façon, lorsque ma femme, elle vit avec moi, ça va, elle nourrit mon bloc de glace. À un moment donné, ma femme, elle arrive, puis elle a décidé qu'elle trouve les cheveux jusqu'à la taille. Elle arrive et puis elle s'est coupée les cheveux à la garçon. Là, j'ai besoin d'une force d'adaptation. Pourquoi? Parce que toute la femme au complet, l'onde de forme, l'image de la femme, ne nourrit plus mon bloc de glace tel qu'il était. Je dois maintenant accepter qu'une partie, celle qui était nourrie par la présence des cheveux, le toucher des cheveux, etc., meurt. Et je devrais maintenant accepter de prendre quelque chose d'autre, sa nouvelle tête. Puis après un mois, après une semaine, eh bien, ah ben là, c'est plus beau, tu sais, ça, c'est parfait. Là, ça s'est fait pousser les cheveux, j'en souffrirai pas, ça pousse aussi vite que j'aurai le temps de m'adapter. Tu sais, on s'en rend pas compte que ça pousse, mais quand elle les coupe. À un moment donné, moi, j'avais une moustache puis une barbe. Et je revenais du Guatemala, et puis j'ai gardé ma barbe, ma moustache, peut-être 1 an de temps ou 2 ans de temps. Subitement, j'étais tanné. Je me rase tout ça au complet. Quand je suis sorti de la chambre de bain, ma fille et ma femme m'ont pas reconnu. Ma femme m'a dit: je sais même pas si mon corps voit coucher que toi. Bon, ma fille, elle a broyé. T'es jeune quand même. Dans l'ego, les deux avaient découvert que merde, va falloir qu'on peut plus se nourrir. C'est plus le même bonhomme. C'est le même bonhomme. Mais c'est plus la même image. Il y a une partie de glace qui va fondre. C'est souffrant. Souffrant uniquement à cause de la peur, pas souffrant en souffrance. Est-ce que c'est souffrant parce qu'on... On va le remettre dedans, il souffre. Est-ce que c'est souffrant parce qu'on aime émotivement? Est-ce qu'on pourrait aimer autrement qu'émotivement? On n'aime pas... Bon, aimer émotivement, on va juste maintenant mettre un nouveau mot là-dessus. On aime mémoriellement. OK? C'est ça, l'amour. L'amour qui est faux, c'est un amour mémoriel. La première fois que tu me rencontres, je te plais. Mais si je me change, je te plais plus. Mais si tu m'aurais rencontré, changé, je t'aurais plus autant. Bon, la femme que tu rencontres, cheveux courts, cheveux longs, qui n'aura pas de problème la première fois que tu la vois. Mais quand tu l'auras expérimenté pendant un laps de temps avec les cheveux longs, elle arrive avec les cheveux courts, il y aura un problème. C'est parce que on aime mémoriellement. C'est les mémoires qu'on aime. Oui, moi j'ai mes amis qui étaient ambulanciers, qui travaillaient presque 5 jours sur 7 par arriver à bouquer le budget familial. Souvent, on l'appelait de nuit. Il était partiel, donc il remplaçait. On l'appelait nuit, on l'appelait fin de semaine, on l'appelait le jour. Sa femme le voyait à peu près jamais. Un jour, je l'ai engagé, il travaillait pour moi. Et là, on s'est entendu qu'il travaillerait 5 jours sur 7, et puis il y aurait des heures raisonnables de bureau. Puis quand il y aurait une conférence, bon, c'est pas une exception de temps en temps qui, comparativement à ce qu'il y avait avant. Sa femme, elle devrait donc être contente. Elle était contente, parce que là, il se voyait régulièrement. Mais ça n'a pas été long que lui, son travail d'ambulancier, il aimait ça, mais il revenait toujours fatigué, puis les chiffres, etc. Mais là, en travaillant avec moi, il arrivait à la maison avec le sourire. Ça n'a pas été long que fallait qu'on l'augmente, fallait sa femme a poussé en maudit. Tout ce qu'elle voulait, finalement, c'est qu'il lâche son emploi. Il lâche son emploi, il retourne ambulancier, elle le voit presque plus, mais le bonheur est revenu. Pourquoi? Elle préfère malheureux de l'extérieur, parce qu'elle est convaincue qu'au moins, à l'intérieur, si maintenant elle y fait un petit plat, des petits cossins, ça va être correct. Il y a du monde, par exemple, qui sont alcooliques, puis ils vont être acceptés dans leur milieu familial en tant qu'alcooliques, mais la journée qu'à un moment donné, ils s'en sortent, nécessairement, ils changent d'habitude. Ils vont peut-être aller jouer au golf, ils faisaient pas ça avant, ils vont transposer hein, quelque chose. Puis bien souvent, le conjoint, homme ou femme, parce que ça se fait dans les deux cas, le conjoint immédiatement commence à être jaloux, immédiatement commence à avoir peur. Je le préférais chaud, mais je t'assure que c'était correct. Tu sais, qu'il ne peut pas me filer entre les mains. Peut-être, en tout cas, il y a toute une mécanique de l'ego, mais il y a aussi l'idée que je suis habitué à qu'il soit chaud. La journée qui est sobre, je ne le reconnais plus. Alors, pour essayer de le manipuler à recommencer à boire, c'est-à-dire à revenir comme ma glace se nourrit, là, je vais lui dire, rencontrer une autre fille, hein? Rencontrer un autre gars, hein? Je sais pas, moi, t'es rendu d'un lion, là, puis là, je suppose que c'est une sec, là, t'as tout donné ton argent, en tout cas, mais j'en ai raison. Uniquement parce qu'il y a un bloc de glace qui devra fondre. Puis bien souvent, on va dire, crime, qu'est-ce que la personne est là chialée, l'homme ou la femme? L'autre est mieux qu'avant. Mais on n'a pas le choix. Comment on ferait pour empêcher? Est-ce qu'on peut empêcher de la formation des blocs de glace? Non. Si je regarde mes enfants, si demain matin, j'ai mon fils puis le fils de mon voisin qui sont tous les deux en train de mourir, je sais lequel je vais sauver. Oui. Il y a un bloc de glace, mais ça ne me dérange pas d'être plus proche. Je trouve que c'est mieux d'être loin, pas mal. Parce que tu ne veux pas perdre la nourriture de ton fils. Je vais te donner un exemple. Ceux qui ont des enfants, imaginez qu'on kidnappe votre enfant, puis demain matin, on vous le ramène 5 ans plus âgé. Allez voir que vous ne l'aimerez pas de la même façon. Elle doit le redécouvrir, vous réhabituer. C'est uniquement parce qu'on va vous dire, c'est votre fils ou votre fille, que vous allez accepter de vouloir l'aimer. En mémoire de l'autre. Je parle d'une journée de différence, on te le ramène 5 ans plus tard. Mais 5 ans plus âgé, mais une journée de différence. Puis déjà là, oh! Bon, moi je te dis, ton gars qui a 9 ans, je le désintègre, puis chnouk, il a 22 ans. Puis tu vas voir que c'est... Parce qu'il grandit lentement, ta glace fond et ça réadapte aussi vite que son corps change. C'est pas pire. Puis les photos, à un moment donné, nuit. Tu regardes la photo, tu te nourris de la photo, puis tu regardes l'autre à côté, tu dis... Les enfants, ils ont un défaut, hein? Ils grandissent. Mais on a mémoriellement. Quand ils s'en vont, quand les enfants quittent les parents, par exemple, ils se marient, il y a un trou dans la maison. Mais ça, c'est inévitable. Mais un jour, à choisir entre une personne, quand tu dis aimer également, là, sans tomber en amour, ben moi, je considère que je suis en amour avec mes enfants, je suis en amour avec. On peut être en amour avec les personnes qu'on aime, pas nécessairement homme ou femme. On peut pas aimer sans tomber en amour. Je peux pas aimer mes enfants sans les aimer comme je les oui, aime. Oui, tu peux aimer sans tomber en amour. Comment tu fais ça? Tu peux tomber en amour et tu peux les aimer, mais tu n'aimes pas en tombant en amour. Comment on fait ça? Étant donné qu'on est capable de percevoir une forme de vibration, un sentiment qui est l'amour, qui n'est pas mémorisé encore. Ce sentiment-là, il est persistant. Puis l'humain l'a pour n'importe quoi, n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Sauf que parce qu'on a par-dessus la mémoire du sentiment, parce qu'on développe un amour mémoriel qui sert maintenant à nourrir des blocs au niveau de l'ego, au niveau de l'âme, parce qu'on a un amour mémoriel, on mélange les deux. Là, ce que l'on doit faire, si on veut parvenir à un amour qui est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus harmonieux, qui est pas libérateur, mais qui est pas limitateur, parce qu'on va dire, on devrait avoir un amour libérateur. Ça, c'est pour ceux qui sont pas niés. Mais l'amour ne libère pas. L'amour ne limite pas. Mais parce qu'on tombe en amour, là, on commence à s'engrener, à rentrer dans un engrenage de ce qu'on appelle un amour, mais qui n'est pas un amour, qui, lui, est limitateur, un amour conditionnel. Bon. Si tu bats tes enfants, tu les aimes autant, ça n'a rien à voir. Mais, comme preuve d'amour, tu vas leur pardonner. Mais c'est ridicule. Tu n'as pas à leur pardonner. Tu n'as rien à leur pardonner. Bon. Lorsque l'être humain est capable de faire une séparation entre l'amour qu'il a, lui, et les expressions de son ego, du virus qui nous habite, de la mémoire, à travers le corps physique, s'il est capable de faire la nuance entre les deux, il sera capable de dire, parce que je t'aime, je suis content que tu fasses des études pour changer d'emploi, Mais parce que je t'aime, j'aimerais mauditement mieux que tu restes dans la même compagnie. C'est ce qui arrive en réalité. Alors lentement, on devra changer le deuxième « parce que je t'aime ». Quand on dit « oui, mais je t'aime, j'ai besoin de toi », deux choses. Le « j'ai besoin de toi », la glace. J'ai besoin de toi pour m'alimenter. Je t'ai expérimenté. Je t'aime, c'est une chose. J'ai besoin de toi, on pense que c'est la même chose. Totalement différent. Mais on les associe. On doit les dissocier maintenant. Mais comment tu fais pour les dissocier si tu peux pas, comme tu disais, éviter qu'ils se forment de la glace? Non, vis les deux si tu veux, mais sache une chose, c'est que l'être humain qui t'aime ne pourra jamais te prouver qu'il t'aime. C'est pourquoi, quotidiennement, ou hebdomadairement, ou mensuellement, les personnes qui se disent s'aimer doivent encore recommencer à se prouver qu'ils s'aiment. Si parce qu'on ne peut pas prouver. Si tu arrêtes de le dire, tu arrêtes de le mentionner, disons, demain matin, je ne dis plus à mes enfants que je les aime. Parce que si je dis que je les aime, comme je suis ton raisonnement, c'est que je me les attache parce que j'ai besoin de ce qu'ils m'amènent. Non, que tu le dises ou que tu le dises pas, tu peux t'attacher autant. Il y a une nuance entre exprimer une vibration, un sentiment instantané, puis exprimer quelque chose par conditionnement. Ça fait deux semaines que je n'ai pas dit à mes enfants que je les aime. Vraiment, je le dise. C'est du conditionnement. L'enfant arrive à côté de toi, puis tu as le goût de lui communiquer que tu es en harmonie, en vibration, en symbiose avec lui. Tu lui dis, je t'aime. Mais ça, c'est pas de la possession, c'est pas de la nourriture d'énergie. Non, si par contre, lui, il te répond pas, puis que tu dis, ouais, tu m'aimes-tu, toi? Là, tu viens de tomber dans l'autre piège. Est-ce que c'est nécessaire que si je t'aime, je te donne quelque chose? Est-ce que c'est nécessaire que tu me donnes quelque chose? Dans le faux amour, oui, il est mémoriel. Il y a une trace, il y a une trame. Si moi, qui suis la perfection parfaite dans la création, si moi, je te donne ceci en preuve d'amour, ça veut dire que si tu m'aimes, tu dois faire pareil. Il n'y a pas d'autre façon d'aimer. Je le saurais. C'est ce que, inconsciemment, l'humain se dit. Moi, longtemps, ma femme me traitait de faux homme. Je n'étais pas un vrai homme. Pourquoi? Parce que j'avais pas tous les stéréotypes traditionnels de comment qu'un mâle essaie de courtiser ou de ramasser, de récupérer ou de conditionner l'autre. Bon, après 10 ans, elle finit par accepter 75% de ma façon d'agir au niveau de l'amour. Si elle rentre à minuit, je me suis pas inquiété, je me suis pas ennuyé, je m'en mets pas ce qu'elle a fait. C'est plate en moi. De temps en temps, ça l'insulte. Pourquoi? Parce que si je l'aime, je devrais souffrir de son absence. Ma glace devrait fondre pendant son absence. Mais c'est de l'amour mémoriel, encore une fois. Toute la structure que les couples et les familles ont est basée sur l'amour mémoriel. Entretenir l'amour mémoriel est oyable l'amour. Mais est-ce qu'on doit se désintéresser de ce que fait l'autre? De la manière que tu fais ça, pourquoi se désintéresser de ce que fait l'autre? Est-ce qu'on doit s'intéresser à ce que fait l'autre? Ben, si tu as pris la peine de vivre avec et puis que tu t'entends bien prends avec... la peine. Vous voyez comment c'est? Ben, c'est de prendre la peine. Parce que c'est de l'amour mémoriel. Si tu vis avec quelqu'un... Tant qu'à faire les efforts de vivre avec, c'est une mauvaise personne. Prendre la peine de t'entendre. C'est comme une association d'affaires, tu peux dire... Parce que c'est de l'amour mémoriel. On doit ajuster nos blocs de glace. Fais pas fondre les miens, je serai pas fondre les tiens. On s'aime, mais on s'aime pas. Non, on se tête. On se respecte. On se reste tête. Il y a du respect, il n'y a pas juste de l'amour possessif, il y a du respect. Pas dans l'entretien des blocs de glace. Si la personne qui sort, qui rentre pas, peu importe, là, mais disons qu'on va prendre dans ton exemple de tantôt, qui est rendu minuit, puis l'autre conjoint n'est pas arrivé sans avertir celui qui l'attend. L'autre s'inquiète. Celui qui est à l'intérieur de la maison s'inquiète. Est-ce que c'est anormal de s'inquiéter de l'autre? Ma femme, elle m'a dit, « Ah, tu sais comment je suis, moi? » Je m'inquiète plus, parce que souvent, elle peut même découcher. Bon, elle va coucher chez son ami, elle va coucher ailleurs. Vous êtes des amis de filles, théoriquement. En tout cas. Mais, après, quand elle rentre, ou... Mon ego est frustré, c'est que si moi je suis pareil, puis quand je reviens, ben là, c'est toute la guerre. Là, c'est con. Sauf que mon mental est suffisamment pas coloré par mon ego pour que je ne le fasse pas comme plusieurs vont faire. Bon, quand elle sort, puis qu'elle arrive tard, moi je dis rien. Quand c'est moi, on s'engueule. Mais check bien la prochaine fois qu'elle va arriver tard. Moi, ça fait pas ça. Moi, au lieu de dire, regarde bien la prochaine fois qu'elle va arriver en retard, moi, ce que ça dit, non, il faudrait bien qu'elle comprenne à un moment donné qu'elle n'a rien à dire. C'est comme ça qu'on construit. Alors que l'humain, lui, à cause de son amour mémoriel, parce qu'il a fait ça, m'a fait ça. Puis là, on détruit, puis on s'enfonce royalement. Au début, quand on était amis, tu rentrais, mettons qu'on cohabitait dans le même logement, partageait le loyer, tu rentrais à l'heure que tu voulais. Si tu ne me réveillais pas en rentrant, je disais rien. Maintenant qu'on commence à s'aimer de l'amour mémoriel, vu que ça fait 3 mois qu'on est dans le même campus, dans la même chambre, un gars et une fille, disons, bien là, maintenant qu'on s'est tellement expérimenté, on dit on s'aime mémoriellement. Mais là, maintenant, je vais commencer à me dire, à 11h, je me nourris de sa présence. Il arrive à minuit. À 1 heure de temps que j'ai fondu à t'attendre. Ah, mais ça peut être de l'inquiétude aussi. Pas nécessairement de la possession. C'est ça l'inquiétude. 1 heure de temps que j'ai fondu à t'attendre. C'est ça l'inquiétude. Ben, c'est pas anormal de s'inquiéter. Que c'est pas anormal, c'est stupide. Tu regardes dehors, il y a de la pluie verglaçante, ta femme est en retard de 3 heures, elle est partie à Québec. C'est stupide. Ben, c'est stupide, elle est peut-être en train de crever dans le banc de neige. Puis, ça l'inquiétude, ça fait quoi? Ben, ça fait... Ça fait que quand ça va arriver, tu sais que t'auras pu appeler, me suis inquiété! C'est ça que ça fait. Là, hey, je connais même, moi, une personne. À un moment donné, je déboule l'escalier. Bling, bling, bling, fling, fling, fling, fling. Je peux pas me faire mal. Bon. Mais quand j'arrive en bas, c'est pas fait mal. Et là, c'est quoi ce bruit-là? Ah, c'est moi qui viens de descendre l'escalier. Tu peux pas faire attention! j'ai rien cassé. Oui, mais maudit! Moi, j'ai eu peur. Hey, je me fais engueuler! Parce que j'ai failli me casser la gueule. Souvent, c'est pareil encore. C'est pas de la possession! De l'amour. Tu vas voir à l'hôpital, puis j'ai déjà dit que tu conduis trop vite. Tu as de la merde en plus. Tu prends ta jambe de plâtre, paf! Couché, tu reviens me voir demain matin. Va relaxer. Et c'est de l'amour, moi. Tu me dis, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est pour ça que ça va mal, ta planète. C'est stupide. C'est pas intelligent, mais c'est normal. Moi, comment on fait pour aimer sans tomber en amour? C'est ça le titre de la conférence. J'ai toujours rien compris. T'écouteras la cassette au ralenti. Comment on fait? Qui c'est qui est sorti ce maudit titre-là? Je sais pas. L'humain n'est pas prêt encore. Parce que tu dis, on peut pas ne pas faire de cube de glace. Mais on peut pas ne pas avoir de mémoire. Fait, comment que tu veux qu'on fasse? Bon, et tout ce que t'en fais, c'est muté. Bon, t'as compris? Bon, maintenant, continue. Maintenant, ça c'est la solution. Voilà. L'humain, présentement, ne peut pas s'empêcher de souffrir d'aimer. Il n'est pas constitué pour ça. Mais il peut parvenir à cesser de souffrir d'aimer. Et ça, ça ne veut pas dire ne pas aimer. Les personnes qui se divorcent 1 ou 2 fois, ils finissent par se dire, ben moi là, il n'y a rien à faire, j'aime plus, je tombe plus en amour. C'est trop souffrant. T'aimes pareil. Mais on doit commencer par être capable juste de faire la grosse nuance entre l'amour que j'ai pour quelqu'un et tout ce que j'ai besoin maintenant pour nourrir mes blocs de glace. Ça, c'est le début. Pourquoi? Parce que je vais cesser de continuellement, hein, c'est bon, culpabiliser l'autre, tout démolir l'atmosphère uniquement en pensant que je parle d'amour. Il y a une seule expression de l'amour qui est réelle, c'est le respect. C'est pas se donner de l'affection. Ça, c'est de l'amour mémoriel. C'est un des plus plaisants amours mémoriels. Qui, si on respecte plus qu'on aime mémoriellement, ne dérangera jamais. Lorsque l'autre te donne de l'affection, sa énergie, prends-le. Lorsqu'il ne t'en donne pas, respecte-le encore, il n'y aura pas de problème, ta glace ne fondra pas, si elle fond, elle fondra, mais tu continues à respecter l'autre. Si on est capable de bien discerner l'amour de l'amour mémoriel, donc l'amour instantané, que j'appelle souvent l'amour intelligent, de l'amour mémoriel, on va encore continuer à se faire charrier par l'amour mémoriel. Mais qu'à un moment donné, je vais crier après la personne que supposément j'aime, bien, je devrais juste faire un X, une feuille de papier, là, pas commencer à légiférer sur l'affaire. Pas commencer à me demander si je crie comme il faut ou pas. Parce que quelqu'un qui crie, il ne peut pas rien faire d'autre, là. On note, ou encore enregistre-toi, tu vas voir comment tu aimes. Et puis, ça n'a rien à voir avec l'amour. Vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un qu'il vous prouve qu'il vous aime. Tout ce que vous pouvez exiger de lui, c'est qu'il vous prouve qu'il a des blocs de glace qui ont besoin d'être alimentés par vous. C'est ce que ça veut dire. C'est quoi tromper? Tu trompes ta femme? Ton bloc de glace? Moi, je suis ta femme. Ton bloc de glace que j'ai créé, tu vas l'alimenter ailleurs. Qu'est-ce que ça, tromper? Et là, je me dis, crème, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de ma présence. Donc, il m'aime plus. Le respect. La femme, là, qui aime pas avoir des relations sexuelles, peut-elle dire à son bonhomme, « T'es mieux de jamais coucher avec aucune autre femme », alors que lui, biologiquement, il est bâti pour reproduire ou faire semblant? Voyons donc. Si elle le respecte, faudra qu'elle lui prête son corps autant qu'elle en a besoin. Ou qu'elle accepte, à un moment donné, que lui aille ailleurs. Puis la relation est super harmonieuse. Il n'y a pas un bonhomme qui est prêt à lâcher son ménage tout ça au complet pour aller ramasser des fesses de bord. C'est évident que l'homme qui, lui, en plus, s'il se respecte et qui comprend l'évolution de l'animal humain méritoire et l'évolution de l'être humain solaire non méritoire, il va s'arranger pour ne pas aller sécréter endocrinalement dans le corps d'un autre. Il va se dire, bon, ben merde, je vais... Il y a un bloc de glace qui devra fondre. Puis il est puissant, il est bâti. Parce que la sexualité pour l'homme, en plus d'être endocrinienne, c'est être normal, c'est être puissant, c'est être le chef. Tu sais, le mâle fait l'amour sur la femelle. Une chose certaine, en tout cas, c'est que la femelle est toujours inférieure. Il y a tellement de stéréotypes, donc de blocs de glace qui fait que le bonhomme en a besoin. À un moment donné, le bonhomme, il va se dire, oh, j'en ai besoin parce qu'énergétiquement, c'est sûr. Le bonhomme, il tète la femme énergétiquement quand il y a une relation sexuelle. Mais c'est pas rien que ça l'affaire, c'est qu'il y en a besoin pour conserver des blocs de glace. Aujourd'hui, la journée était mauvaise, fait que là, en faisant la relation sexuelle, il est puissant, il est mâle, il y a des blocs de glace qui se nourrissent là où ils n'ont pas pu se nourrir. Mais l'homme, s'il se respecte, à un moment donné, il va faire qu'il accepte que certains blocs de glace fondent, ce qui va régler son problème un peu. Puis l'amour, tu continues à aimer tes enfants, tu continues à aimer ta femme ou ton mari, tes voisins, etc. On va peut-être poursuivre un peu lors de la deuxième partie sur justement comment on fait la séparation, comment on doit faire la séparation pour être capable d'aimer. Puis l'amour mémoriel qui nous habite déjà et qui nous hante déjà, bien on verra comment à la longue, il peut au minimum cesser de nous nuire, ce qui est déjà une chose. Et progressivement, il s'annihilera lui-même parce qu'on sera capable maintenant de se suffire de l'amour qui est instantané, qui est mauditement plus intéressant. Est-ce qu'il faudrait aimer nos conjoints, nos enfants, comme on aime nos amis? C'est exactement ce que l'humain fait de toute façon. Sauf que les mémoires... Bon, faisons attention. Est-ce que tu dois aimer tes amis comme ton conjoint? Non, l'inverse. Exact, c'est ça qu'il y a une nuance à faire. C'est évident que si ta femme devient ton ami, tes enfants deviennent ton ami, ton mari devient ton ami, oh oui, ça va aller drôlement mieux dans la famille. Oh que oui! La fin de la première partie. Que je prenne mes notes, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Au cours des prochains mois, il va y avoir différents PMC, différents cours. Pour ceux qui voudraient des informations, vous pouvez vous adresser à l'avant. La cassette audio de la première partie est disponible. On se revoit dans 15 minutes, la période de questions.